Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, un cadavre emmuré dans une cave, des yeux verts qui fascinent et un destin hors du commun, c'est l'affaire Sylvie Paul. Le 16 septembre 1951, à Paris, un corps en décomposition est découvert dans le sous-sol d'un hôtel miteux. C'est celui de la gérante, Jeanne Perron. Rapidement, la police retrouve la coupable. Une certaine Sylvie Paul, 38 ans, l'une de ses locataires et amie intime de la victime. Depuis l'adolescence, Sylvie Paul a passé en maison de redressement, Cette femme à la gouaille parisienne et au regard perçant a connu mille et une vies. Tour à tour, vagabonde, escroc, résistante, déportée, tolarde, désormais criminelle, Sylvie Paul est avant tout révoltée contre son destin. Celui d'une personnalité rebelle, modelée par la captivité et l'infortune. Des bas-fonds parisiens à l'Algérie colonisée, de la prison de la Petite Roquette au camp de concentration, retour sur un fait divers qui cache un destin romanesque, hors de toute légalité, celui d'une femme souvent entravée mais toujours libre. Notre invitée aujourd'hui, Véronique Blanchard, historienne et responsable du centre d'exposition Enfants en Justice à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Elle a écrit avec David Niger, Mauvaise fille, incorrigible et rebelle, publié aux éditions textuelles en 2016 et en 2019, Vagabonde, voleuse, vicieuse, adolescente, sous contrôle de la libération à la libération sexuelle. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec Lina, récit documentaire Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En septembre 1951, le commissariat de Grenelle à Paris reçoit une série de lettres anonymes. Une certaine Jeanne Perron, la patronne d'un petit hôtel miteux du 15e arrondissement, aurait disparu, peut-être assassinée, disent les corbeaux. Les inspecteurs Lelon et Leloup sont chargés de l'enquête. Au 8 rue d'Oeuvre du Théâtre, une ruelle étroite où s'égaillent les rats, se trouve l'hôtel dont Jeanne Perron est la propriétaire. Un meublé de misère aux murs décrépits que cette femme de 51 ans, bretonne d'origine, tient seule depuis qu'elle s'est séparée de son mari 2 ans auparavant. Ces locataires sont en grande majorité des travailleurs algériens qui ne peuvent rien se payer de mieux. Il y a aussi une famille russe, immigrée de 1917, et une dénommée Sylvie Paul, une amie dans le besoin que Jeanne Perron héberge avec ses 2 enfants en bas âge. La gérante de l'hôtel que la police recherche en septembre 1951 vit avec la fille de sa sœur qu'elle a adoptée, Denise, 12 ans, sans doute à l'origine des rumeurs concernant la mort de Tante Jeanne, comme on l'appelle dans le quartier. La petite fille aurait confié à ses camarades avoir buté sur un corps dans le sous-sol de l'hôtel. Oui, juste avant que sa mère adoptive ne soit remplacée à la gérance d'immeublé par son amie Sylvie Paul. C'est donc logiquement que les enquêteurs Lelon et Leloup se dirigent en premier lieu vers le 8 rue 9 du Théâtre. Et Madame Perron, effectivement, n'y est plus. Jeanne s'est installée chez un homme il y a quelques mois, confie Sylvie Paul aux enquêteurs qui viennent la questionner. Mais à Saint-Maur, en banlieue parisienne, où les envoie l'ami de la disparue, pas de trace de Jeanne Perron. Le passé de Sylvie Paul va alors ressurgir. Déjà plusieurs fois incarcérée pour des affaires de vol, cette mère célibataire ferait pour les enquêteurs une coupable idéale dans une telle affaire. Le 16 septembre 1951, il est 10h30 du matin quand la police fait la macabre découverte. Dans la cave de l'hôtel de la rue Neuve du Théâtre, derrière un mur étrange tout en briques, derrière des valises et des cages à oiseaux, un corps est en putréfaction, enveloppé dans des linges tachés de sang. Selon le médecin légiste, Jeanne Perron aurait été achevée par strangulation et emmurée il y a plus de 3 mois. Mais Sylvie Paul, l'amie de la victime, est maintenant introuvable. Elle a disparu la veille, le 15 septembre, avec ses enfants et 2 mois de loyer d'avance de chacun des locataires de l'hôtel. C'est donc le début d'une affaire. Une affaire qui va passionner les Français et la presse pendant des mois. Pourquoi Sylvie Paul aurait-elle tué Jeanne Perron, se questionne-t-on? A-t-elle agi seule? Et surtout, qui est cette femme? C'est la question que se pose aussi celle qu'il a toujours défendue, son avocate, Simone Cornec. Elle était fascinante. Parce qu'elle avait des yeux un peu comme ceux de certains chats siamois, bleus et tendus. et qui parlait bizarrement à cause de ses deux dents qui étaient en acier qu'elle avait devant. Des dents en un seul morceau. Elle avait une intelligence diabolique et elle avait une imagination délirante. Cette fille, je l'ai vue beaucoup, mais c'est une énigme pour moi. Mais une énigme qui s'explique quand même parce qu'elle a subi depuis sa naissance des choses les plus invraisemblables. La première étape que les enquêteurs vont devoir franchir, c'est de retrouver Sylvie Paul. Où est-elle ? La veille de la découverte du corps de Jeanne Perron, elle a récupéré sa fille chez sa nourrice avant de faire porter ses valises Gare de l'Est à Paris. Mais où la menait son train ? Marseille, peut-être. La deuxième énigme, c'est de comprendre le mobile du crime. Autrement dit, pourquoi Sylvie Paul aurait-elle tué ? Des locataires de l'hôtel meublé où elle vit attestent de disputes et de violences entre la présumée coupable et Jeanne Perron, la victime. Certains parlent d'une mésentente liée à de l'argent, peut-être à une histoire d'amour. D'autres évoquent de simples querelles de femmes déméchées. Le dernier mystère que la police et la presse essaient d'éclaircir tient à la personnalité de Sylvie Paul. Qui est-elle ? Et en ce qui concerne le profil de la fugitive, une chose est sûre, ce n'est pas la première fois qu'elle tente de s'échapper. En 38 ans d'une vie mouvementée, elle n'a vécu que captive ou hors la loi. Petite dernière d'une famille ouvrière de la région parisienne, elle arrête l'école à 12 ans pour travailler dans une entreprise de savon. Contrainte par le mari de sa mère, alcoolique, qui la bat à coups de nerf de bœuf, elle vole pour survenir aux besoins de la famille. À 16 ans, elle fugue pour fuir les avances du beau-père et se retrouve vagabonde. Arrêtée pour violation de domicile et vol par une fenêtre laissée ouverte au rez-de-chaussée, elle est enfermée dans le quartier d'éducation correctionnelle de Fresnes. Et c'est le début d'un parcours carcéral qui durera 30 ans. De maison de redressement en patronage pour jeunes filles par Angers, d'évasion en évasion, la jeune Sylvie est finalement placée à l'école de préservation correctionnelle de Clermont-de-l'Oise, où elle restera jusqu'à sa majorité à 21 ans. Et là, autant vous dire que c'est le bagne, l'enfer des enfers, comme le dira plus tard Béatrice Coppel, chercheuse au CNRS, qui témoigne des méthodes de cette école-prison. On appelait certaines les perverses vicieuses dangereuses, on les classait comme ça. Certaines sont amendables, c'est-à-dire qu'on peut peut-être en tirer quelque chose à force de les punir, parce que la punition est le meilleur moyen qu'on trouve. Et certaines sont tellement perverses et vicieuses qu'il n'y a rien à faire que de les punir de plus en plus. De toute façon, si je puis dire, on n'en tirera rien. Elles n'ont pas le droit de parler entre elles, c'est le silence total. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas communiquer verbalement. La moindre parole est punie, est sanctionnée. Et il y a un chiffre noir de la mortalité dans ces maisons, notamment Clermont-de-l'Oise. Et c'est quelque chose dont personne ne sort indemne. Parce que ce qui les marque le plus, c'est pourquoi ces conditions si extrêmes, alors qu'on n'a rien fait. Et va germer là une révolte immense et un désir de vengeance. À sa majorité en 1934, s'en est fini des maisons de redressement. Sylvie est enfin libre. Elle s'installe à Paris, dans le quartier de Pigalle, où elle survit de vols et d'escroqueries diverses. Jusqu'à ce premier séjour en prison, dès l'année suivante. À l'âge de 22 ans, elle est condamnée à 15 mois d'incarcération pour coups et sévices sur une enfant de moins de 6 ans, la fille de son compagnon. Sylvie Paul l'affirmera toujours. Elle s'est laissée enfermer pour protéger le père, un proxénète qui risquait bien davantage qu'elle. 6 ans plus tard, et autant d'années à jouer avec la loi, Sylvie Paul est de nouveau arrêtée pour avoir volé des plans militaires des défenses côtières de la région de Cherbourg. C'est l'occupation, et la jeune femme, 28 ans cette fois, est envoyée à la prison militaire du Cherche-Midi, à Paris. Insolente avec ses geôliers, mais appréciée de ses compagnes, Sylvie Paul n'hésite jamais à leur rendre petit service, qu'elle soit résistante ou prostituée. Libérée, elle retourne en Normandie, où elle est une nouvelle fois arrêtée pour avoir tenté de voler un officier allemand qu'elle avait séduit. Dans les prisons de Saint-Lô, Caen, Lisieux, puis Rouen, Sylvie Paul fait preuve de son indiscipline. Elle refuse d'obtempérer, elle insulte les Allemands. Et quand le grand résistant honoré d'Étienne d'Orve est emmené pour être fusillé, elle fait entonner la Marseillaise par toute la prison. Un courage qui lui vaudra malheureusement d'être déporté en 1943 à Ravensbrück avec 223 femmes, résistantes pour la plupart, ou arrêtées pour attitude anti-allemande. Les résistantes qui côtoient Sylvie Paul, matricule 19256, remarquent cette jeune femme rebelle. L'une d'elles, Anis Postel-Vinet, dira d'elle qu'elle aimait sa façon violente de parler des Allemands et aux Allemands, et son attitude qui consistait à ne jamais baisser la tête, quelle que soit la situation et son état physique. Une détermination téméraire qui va la mener jusqu'à l'audace ultime, l'évasion. René Huskens, elle aussi déportée à Ravensbrück, raconte. On avait organisé une évasion. On avait réuni de l'argent, on avait réuni des vêtements civils et on s'inscrivait à la colonne qui allait travailler en forêt. Et on réussissait pendant le travail en forêt, parce qu'on était dispersés, de gagner la gare de Fürstenberg. Et là, il y a un certain endroit où il y avait des résistants allemands pour accueillir. Au moment où j'aurais dû partir, j'ai attrapé un érésipel qui me couvrait la moitié du visage, donc je n'ai pas pu partir. Et j'en avais parlé à Sylvie. Donc une fois qu'ils ont été hors du camp, et ça s'est très bien passé, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas trouvé le moyen de se sortir d'Allemagne. Et elles ont été reprises. Retour en enfer, retour à Ravensbrück. Sylvie Paul y est torturée pendant plusieurs jours. Brûlée, fouettée, blessée par les pics de fer, on va jusqu'à lui insérer des fils de cuivre dans l'utérus, comme le racontera son avocate Simone Korneck. Puis elle est transférée à Bergen-Belsen, où elle restera après la libération du camp par les Britanniques le 15 avril 1945, pour soigner ses camarades malades du typhus. À la libération, Sylvie Paul retrouve Paris et sa solitude. Un temps employée par l'armée américaine, puis bénévole pour l'association des déportés de Ravensbrück, elle n'obtient pas le certificat d'appartenance à la résistance, ni le statut de déportée résistante. Alors, sans ressources, malade, très amaigrie, elle pèse à peine plus de 30 kilos à son retour de Bergen-Belsen, elle est régulièrement hébergée par des amis qu'elle a connus dans les camps, des femmes bourgeoises qu'elle volera sans vergogne. Nous sommes en 1946. Dénoncée, Sylvie Paul appelle l'avocate Simone Korneck, qu'elle a rencontrée à l'hôtel Lutetia à son retour des camps, alors que l'avocate y cherchait son frère. Elles ne se lâcheront plus. Mais la précarité de Sylvie Paul, jeune mère célibataire sans emploi, ne convainc pas la juge. En 1947, après la naissance de son bébé, elle est condamnée à 6 mois de prison et incarcérée. C'est là, à la caserne des Tourelles, dans le 20e arrondissement de Paris, qu'elle va rencontrer Jeanne Perron, emprisonnée, elle, pour recel. C'est cette même Jeanne Perron que Sylvie Paul est accusée d'avoir tuée 4 ans plus tard, en 1951. Le ciel est bleu, le vent du large creuse la mer bien joliment. Vers le port montant à la charge, galopent ses escadrons blancs. C'est un port tout au bord du monde dont les rues s'ouvrent sur l'infini. Mais de là comme la terre est ronde, on ne voit pas les États-Unis. S'en fout, y a du bonheur, y a un bal, chérie t'as la blonde. Tout le monde s'en fout, y a du bonheur. À l'enseigne de la fille sans cœur, l'accordéon joue en majeur. Les refrains de ce vaste monde, y a la belle blonde, cette rose en fleur. À l'enseigne de la fille sans cœur. Dans ce petit bar, c'est là qu'elle règne. On voit flamber sa toison d'or, sa bouche est comme un fruit qui saigne. Mais on dit que son cœur est mort. Pourtant, les gars sont là tout drôles, les petits, les durs, les malabars qui entrent en roulant des épaules. Il y en a qui sont venus de Dakar. Il y en a d'Anvers, il y en a d'Honfleur, Bourlingant, parfois jusqu'au pôle. Regarde, c'est tout leur bonheur, mais pas un connaît ses faveurs. L'accordéon joue en majeur, tous les airs, les tristes, les drôles. Y a des gars qui jouent leur bonheur à l'enseigne de la fille sans cœur. patron connaissait la musique, il aimait le son des écus. Il disait à sa fille unique, fuis l'amour, c'est du temps perdu. Mais un soir, la mère faisait rage, on vit entrer un étranger aux beaux yeux d'azur sans nuages. C'est alors que tout a changé. Il a regardé la fille sans cœur, elle était comme un ciel d'orage. Quelqu'un a fait un malheur, on entendait battre les cœurs. L'accordéon joue en mineur, un refrain dans le vent sauvage. Il y a une fille, le visage en pleurs, à l'enseigne de la fille sans cœur. Il a dit, c'est toi ma divine. Elle a répondu, je suis à toi. Il l'a serrée sur sa poitrine, elle a pleuré entre ses bras. Les autres, alors mélancoliques, sont partis avec un soupir. Le vent chantait sur l'Atlantique pour ce cœur qui venait de s'ouvrir. Ils ont filé vers leur grand bonheur, le patron du fermé boutique. On l'a vu boire toutes ses liqueurs à l'enseigne de la vie sans cœur. Oui, mais l'État, cet accapareur, qui a toujours le sens du comique, a mis le bureau du percepteur à l'enseigne de la vie sans cœur. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Dans la commune de Davoust, sur la route d'Alger à Constantine, près de Sétif, la police mobile a arrêté hier soir Abdallah Swalit, amant de Sylvie Paul, impliqué dans le crime de la rue Neuve du Théâtre à Paris. Swalit a été surpris par l'arrivée des policiers et n'a opposé aucune résistance à ceux qui venaient l'arrêter. Reconnaissant sa liaison avec Madame Paul, il a déclaré qu'il ignorait absolument l'endroit où elle pouvait se trouver actuellement. Mais le signalement de celle-ci a été communiqué à tous les ports, aérodromes et brigades de gendarmerie. Et si elle se trouve effectivement en Algérie, son arrestation ne semble pas devoir tarder. Le 20 septembre 1951, la presse relaie l'arrestation du possible complice de Sylvie Paul, la présumée meurtrière de Jeanne Perron, cette tenancière d'un petit hôtel parisien dont le cadavre a été retrouvé en muret. Il s'agirait donc d'Abdallah Swali, l'amant de Sylvie Paul et père de l'enfant qu'elle attend, son troisième après Pierrette et un petit Sylvestre né il y a peu d'un autre géniteur. Abdallah Swali, travailleur immigré, occupait lui aussi une chambre rue Neuve du Théâtre à Paris, avant de rejoindre Sétif pour fêter l'Aïd. Et si Sylvie Paul, reine de l'évasion, avait fui Paris pour l'Algérie? C'est la piste qu'étudient les enquêteurs, après s'être notamment tourné vers Forbach, en Moselle, où la fugitive aurait prévu d'accoucher chez des amis. Puis vers la banlieue parisienne où vivait une camarade résistante connue dans les camps. Deux semaines après la découverte du corps de Jeanne Perron, au terme d'une traque hyper médiatisée, Sylvie Paul est finalement retrouvée à Sétif, dans une pension où elle se cachait avec sa fille Pierrette, habillée en garçon. Voilà le télégramme que la brigade criminelle de Paris reçoit le 1er octobre 1951. Sylvie Paul a été arrêtée aujourd'hui 1er octobre à Sétif à l'hôtel Touring où elle était descendue sous le nom de Marie Pidonel. Stop. Elle déclare être étrangère au crime qui lui est reproché et désigne M. Ben Merguedat Ben Mabrouk comme l'assassin de Dame Perron. Stop. Ce dernier se trouverait dans la région de Davoust où il est activement recherché. Stop. Sylvie Paul est détenue dans les locaux de la brigade mobile. Stop. Devant les enquêteurs, Sylvie Paul nie en bloc. Elle n'a rien à voir avec la mort de Jeanne Perron, qui était d'ailleurs son amie. Pourquoi l'aurait-elle tuée? Celui qu'elle accuse, Sahel Ben Mabrouk, est en revanche un ami d'Abdallah Swali, son amant qu'elle dit être venu rejoindre en Algérie. 48 ans, travailleur immigré à Paris, Sahel Ben Mabrouk est lui aussi locataire de l'hôtel de la rue Neuve du Théâtre. Apprécié de ses amis comme de ses employeurs, père de famille, il est rentré en Algérie en même temps qu'Abdallah Swali pour l'Aïd. C'était l'amant de Jeanne Perron, affirme Sylvie Paul. Le jour du crime, ils avaient rendez-vous. Pour les enquêteurs en charge de l'affaire, son profil et ses cheveux grisonnants correspondent au signalement d'un témoin qui dit avoir vu un homme d'origine maghrébine ramener des briques et du ciment à l'hôtel. Et puis, pour la police, c'est certain, Sylvie Paul est coupable, mais elle avait un complice. Enceinte de plusieurs mois, toute menue, comment aurait-elle pu, seule, traîner un corps jusqu'à la cave de l'hôtel et cimenter un mur? Une confrontation est organisée le 3 octobre entre Sylvie Paul et l'homme qu'elle accuse, Saïd Ben Mabrouk. La rencontre est orageuse à l'image de la personnalité de l'accusé. Sylvie marche de long en large comme un fauve en cage, invective violemment celui qu'elle incrimine. Mais ces accusations vont vite tourner court. Car à l'heure où Saïd Ben Mabrouk aurait pu tuer Jeanne Perron, ce cimentier de profession était au travail. Il a un alibi, en béton, il est mis hors de cause. La défense de la criminelle présumée, tout en dénégation et en cri révolté, commence à se fissurer. Sylvie Paul fatigue, elle se contredit. De retour à Paris le 7 octobre 1951, 6 jours après son arrestation, épuisée, elle va enfin dire la vérité. Celle que les enquêteurs attendaient patiemment depuis leur découverte macabre du 16 septembre. Dans une déposition écrite de plusieurs pages, Sylvie raconte les faits. Son avocate les résume ainsi. Elle avait pour Jeanne Perron eu une passade. Moi, je pense que c'est comme tout, c'est parce que ça l'arrangeait d'être à l'abri chez Jeanne Perron qu'elle lui a démontré une amitié importante. Elle couchait dans le même lit. Et puis un jour, elle a trouvé Wali Abdallah à son goût et elle a changé de chambre. Et Jeanne Perron a fait des scènes de jalousie. Sylvie devait promettre d'en finir avec Wali, de reprendre avec elle. Et à la fin, un jour, ça a fini. Jeanne Perron étant dans son lit, étant malade, je ne sais pas ce qu'elle avait, elle a fait une scène un peu plus forte et Sylvie, en colère, a dû porter un coup avec une bouteille qui se trouvait sous sa main sur la table de nuit de Madame Perron, donner un coup avec la bouteille sur la tête de Madame Perron. Dispute qui tourne mal, deux femmes dans le même lit, un amant algérien. Il y a dans la France de 1951 tous les ingrédients pour plaire à une certaine presse dans cette affaire. D'autant que Sylvie Paul a un physique d'héroïne de cinéma, avec ses yeux verts si intenses, ses élégantes boucles châtains. Ses dents de devant, en acier aussi, qui lui donnent un air un peu gangster. Le journal détective, entre autres publications, lui consacre régulièrement des articles au titre évocateur. La vie aventureuse de Sylvie la rebelle, Sylvie Paul la révoltée, ou encore « Je suis une femme damnée ». Les journalistes photographient l'arrestation à Sétif, son premier interrogatoire, les baisers à sa fille, l'avion jusqu'à Orly, la petite Pierrette dans les bras de l'enquêteur, l'arrivée de son avocate Simone Cornec, un vrai roman photo qui fascine les lecteurs. Le 8 octobre 1951, près de 4 mois après avoir tué Jeanne Perron, sans doute d'un coup de bouteille, Sylvie Paul est inculpée pour homicide volontaire et écrouée à la petite Roquette. À la naissance de son 3e enfant, Simone, elle est transférée à la maternité de la maison d'arrêt de Fresnes, où elle passera 18 mois en attendant son procès. Son ancien amant et père du bébé, Abdallah Swali, incriminé par plusieurs témoins, est inculpé pour complicité d'homicide volontaire. Sylvie Paul et Abdallah Swali comparaissent aujourd'hui devant la cour d'assises de la Seine pour y répondre de l'assassinat de leur logeuse, Madame Perron. Crime sordide qui eut comme théâtre, dans une des rues les plus mondes de Paris, à Grenelle, une maison lépreuse, misérable hôtel meublé auquel la proximité des grandes usines automobiles avait donné une clientèle composée presque uniquement de Nord-Africains. Pourquoi Sylvie Paul a-t-elle un jour de juin 1951 tué Madame Perron? Mais d'abord, l'a-t-elle tuée? Ou bien la logeuse blessée a-t-elle été achevée par Swali, qui ensuite aurait dissimulé derrière une maçonnerie grossière le cadavre? Après 3 années d'instruction, Sylvie Paul et Abdallah Swali prennent place sur le banc des accusés pour 3 jours d'audience. Lui, comparé libre, marié, elle, prisonnière, séparée de ses 3 enfants depuis de trop nombreuses années. Aucun flash ne crépite à leur arrivée, car depuis peu, une loi interdit les salles d'audience aux photographes. Il n'y aura donc pas de photo de la nouvelle coupe garçonne de Sylvie Paul ou du regard sombre d'Abdallah Swali, mais des dessins de presse tout de même, une nouveauté d'ailleurs, en 1954. Lors de ce procès très attendu, il s'agira pour chacun de se rejeter la responsabilité de la mort de Jeanne Perron et pour les jurés de comprendre qui a achevé la victime puisque l'autopsie établit que le coup de bouteille donné par Sylvie Paul n'a pas suffi à tuer. Au premier jour du procès, le président de la cour d'assises s'attelle d'abord à raconter la vie de la coupable présumée. Ses parents alcooliques, les maisons de redressement qui l'ont blessée plus qu'elles ne l'ont redressée. La prison aussi, évidemment. Parce que j'avais un passé, parce que je ne suis pas grand-chose dans toutes les affaires, on m'a chargé, dit Sylvie Paul avec sa gouaille toute parisienne. Le président questionne ensuite le motif de sa déportation à Ravensbrück. Fut-elle une déportée résistante ou une simple déportée de droit commun? Il semblerait que les témoignages de Sylvie Paul ne coïncident pas toujours avec la réalité des faits. Alors, l'accusé supplie. La guerre, c'est la période propre de ma vie, laissez-la moi. Sylvie Paul, fausse résistante, vraie mythomane. Les témoins que son avocate Simone Cornec appelle à la barre vont le montrer. L'un n'est pas l'essentiel. Elles sont cinq. Cinq anciennes déportées à venir témoigner du courage de celle qu'elles ont connue à Ravensbrück et qu'elles remercient de tout ce qu'elle a fait pour soulager leur détresse. Voilà comment l'une d'entre elles, Elisabeth Rigal, mentionne l'évasion avortée de Sylvie Paul à Ravensbrück. Il faut, pour comprendre, savoir ce qu'était le bloc disciplinaire où fut incarcérée Sylvie Paul. Elle a été atrocement torturée à la suite de son évasion. Pour savoir l'état d'avilissement dans lequel les Allemands mettaient les femmes de ce bloc, faut avoir connu ça. Ils ont fait avec Sylvie Paul une réussite totale de l'avilissement. Ceux qui n'ont pas passé par là ne peuvent pas comprendre que lorsqu'une femme sortait du bloc disciplinaire, elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Sylvie, à son retour, n'a pas trouvé de milieu familial. Elle était sans argent et personne ne l'a aidée. Sa déchéance antérieure et postérieure mérite une grande indulgence à cause de ça. Celle qui a passé plus de 6 mois au régime disciplinaire du camp a payé toutes les fautes qu'elle a pu commettre. Sylvie Paul s'est montrée parfaitement digne dans toute la période où je l'ai connue. Elle avait le courage de ses actes. Sylvie Paul n'a peut-être pas été la grande résistante qu'elle a parfois prétendu être. Mais elle était une rebelle, une combative, arrogante avec les Allemands. Bonne avec ses pères, affirment ses anciennes compagnes de déportation. On l'a dit, et un médecin en témoigne en 1945, à la libération du camp de Bergen-Belsen, où elle a été transférée après son évasion, Sylvie Paul est restée, oui, pour soigner les malades du typhus, et elle s'est dépensée sans compter. L'accusé écoute d'abord calmement les témoins défiler, même ceux qui l'accablent. D'anciens amants, surtout. Oh, ils la décrivent comme escroc, menteuse, séductrice. Peu à peu, cependant, Sylvie Paul s'emporte. Elle conteste, apostrophe, crie presque. « Pour mes gosses, je ferai n'importe quoi, tout, absolument tout, pour qu'ils ne connaissent pas ce que j'ai connu, moi. » Sylvie Paul parle avec flamme, les mains volubiles et le clin d'œil facile. Pour Madeleine Jacob, la chronique judiciaire du journal Libération, la passion de l'accusé est telle qu'on en oublie le pourquoi de sa présence. L'affaire en elle-même nous apparaît comme secondaire, crie-t-elle. Autant le co-accusé de Sylvie Paul, Abdallah Swali, se montre mutique, impassible, fataliste, autant elle se jette à corps perdu dans l'audience. Et tout à coup, quand l'avocat des parties civiles affirme qu'elle a étranglé la victime, Jeanne Perron, Sylvie Paul explose littéralement, ainsi que le relate Marine Madeleine Jacob dans Libération. Sylvie Paul pousse un cri de bête. Elle gesticule, se penche, repousse ses avocats, ses gardes, elle hurle. C'est faux, je serais peut-être crevée à ce moment-là, mais vous saurez un jour que ce n'est pas moi qui l'ai étranglée. Elle s'approche de Swali qu'elle menace. C'est toi, tu l'as fait! Les gardes essaient de se saisir de l'accusé qui les repousse avec une vigueur extraordinaire. « Votre condamnation, je m'en fous. Je n'ai pas étranglé Jeanne Perron. Je l'ai frappée avec une bouteille, ça c'est vrai. Mais étrangler, c'était lâche, c'était cruel. Je ne l'ai pas fait. Et puis j'en ai assez. » D'un bond, elle gagne la porte du box, la pousse. Les gardes la ramènent à sa place. Elle les frappe, elle crie. « Sortez-la !» dit le président. Le lendemain de son expulsion, au troisième et dernier jour de son procès, Sylvie Paul, en revanche, se montre tout à fait calme. Elle écoute d'abord l'avocat général, maître Raphaël, dont la presse saluera unanimement la modération. Le magistrat écarte en effet la préméditation et tient compte du passé de l'accusé. Toutes ses blessures d'une jeunesse passée en maison de redressement et en camp de concentration. Il réclame pour elle les travaux forcés. Avec Abdallah Swali, que plusieurs témoins, dont la nièce de la victime, la petite Denise, ont défendu lors du procès, l'avocat général se montre également mesuré. « Je ne puis pas dire qu'il est innocent, mais je n'ai pas non plus la certitude de sa culpabilité, alors je vous demande, contre lui, aucune peine, » dit le magistrat au juré. Du côté de la défense, il y a maître Lépine et maître Frasson-Goret pour Abdallah Swali, deux plaidoiries convaincantes. Mais surtout, et elle va marquer les esprits, il y a maître Cornec pour Sylvie Paul, l'une des rares femmes qui plaide alors au pénal en France, et jeune avocate de surcroît. Simone Cornec va brillamment défendre la cause de sa cliente qu'elle connaît depuis près de 10 ans maintenant, retraçant avec force et simplicité son passé miséreux, l'enfance brisée, l'emprisonnement, les tortures. Voici ces mots. Sylvie Paul est une malheureuse. Sylvie Paul est aussi une femme gênante, car elle est une accusatrice. Elle accuse la justice de l'avoir envoyée tout enfant dans un pourrissoir. Elle accuse ceux qui sont riches et qui l'ont laissée mourir de faim. Elle accuse les hommes, dont elle avait espéré une aide, de s'être servi d'elle comme un jouet. Elle nous accuse, nous tous, de lui avoir donné 3000 francs pour se débrouiller à son retour de déportation. Sylvie est la lame du glaive tranchant dans la chair du monde. Sylvie Paul était digne d'avoir une autre vie. Soyez indulgents. Quand le président laisse une dernière fois la parole à l'accusé, elle se lève, pâle et calme. Je n'ai pas étranglé Jeanne Perron, je le jure sur la tête de mes enfants. Pour qu'elle revienne, je veux bien claquer tout de suite. Je n'ai fait que taper avec la bouteille. Après une heure de délibération, ce 12 décembre 1954, le jury rend son verdict. Abdallah Swali est acquitté au bénéfice du doute. Rien ne permet d'affirmer qu'il a participé au meurtre de Jeanne Perron, estime la cour et les jurés. Quant à Sylvie Paul, l'homicide volontaire soutenu par l'acte d'accusation est écarté. Le jury ne retient que des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner et admet des circonstances atténuantes. Sylvie Paul est condamnée à 10 ans de réclusion, une peine mesurée. Mais elle se voit également déchue de son autorité parentale, et ça c'est un coup dur pour cette mère de 3 enfants. Madeleine Jacob, la chroniqueuse judiciaire de Libération, termine ainsi l'article qui clôt la couverture du procès de Sylvie Paul. À son frère, à sa belle-sœur qui viennent l'embrasser, à la nièce de la victime qui pleure sur son épaule, elle déclare « Dites bien, ma petite Pierrette, que je n'ai pas étranglé Jeanne Perron. Qui pourra songer à tenir une enfant de 7 ans au courant d'une aussi sombre histoire ? Qui ? Mais la dure Sylvie Paul, qui n'a pas eu d'enfance. Elle est une femme cependant supérieurement intelligente. On souhaiterait que le régime pénitentiaire lui permît de cultiver son esprit afin qu'à sa sortie de prison, elle puisse, réconciliée avec cette société qu'elle aborde pour n'avoir reçu d'elle que douleur et opprobre, y trouver enfin sa place dans un peu de lumière et de chaleur. » En 1960, Sylvie Paul sort de prison sans avoir bénéficié de la libération conditionnelle anticipée qu'elle pouvait espérer. Car la maison centrale de Haguenau, la plus grande prison pour femmes de l'époque, l'ancienne vagabonde, voleuse et fugitive, ne sait pas à s'agir. Son incarcération, émaillée d'incidents avec le personnel pénitentiaire, n'a pas suffi à faire taire le feu rebelle qui la brûle de l'intérieur. Dehors, de nouveau seule et sans ressources, elle se lance alors dans un ultime combat, récupérer la garde de ses 3 enfants, Pierrette, Sylvestre et Simone. Mais sans succès. Après une tentative de suicide ratée, Sylvie décide alors de s'enfermer, cette fois volontairement. Elle qui a connu les maisons de redressement, les camps et la prison, elle qui a payé sa dette par la captivité et l'isolement, elle se retire en 1962 au couvent de Béthanie, près de Besançon. De 1930 à 1960, autrement dit de 16 à 47 ans, Sylvie Paul aura passé près de 30 ans entravée par l'institution judiciaire. Elle finira sa vie recluse dans le silence et la pénitence, mais libre. Coupable et victime à la fois, héroïne et marginale, elle meurt en 1984, sans doute toujours aussi révoltée. Worry, worry, worry, worry, worry all guess I'll look around, find me someone new. My daddy put me down, he left me feeling blue. Worry, worry, worry, worry, worry all the time. I've got to make a change. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Sylvie Paul, dont nous allons parler avec notre invitée Véronique Blanchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous avez écrit avec David Niger « Mauvaise fille, incorrigible et rebelle », publié aux éditions textuelles en 2016. Et puis en 2019, c'était « Vagabonde, voleuse vicieuse, adolescente sous contrôle, de la libération à la libération sexuelle ». Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ces « mauvaises filles », entre guillemets, bien sûr, hein. Je reprends le titre de votre ouvrage. Qui sont ces « mauvaises filles » ? Alors, ce qui m'a donné envie de m'intéresser à ces mauvaises filles, c'est pour moi un vieil amour, en fait, si j'ose dire, puisque je suis éducatrice au départ, et que en tant qu'éducatrice, je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait une différence de traitement entre les jeunes filles et les jeunes garçons dont j'avais la charge, et je me suis demandé comment on pouvait expliquer ces différences de traitement. Et mon goût des archives, mon goût de l'histoire, ma formation en histoire m'a incité à aller voir dans le passé, dans les archives des institutions, comment les jeunes filles étaient traitées, pour essayer de comprendre comment ça se passait hier, pour mieux comprendre ce qui se passait aujourd'hui. Et il y a des codes, il y a un vocabulaire, presque une grammaire, en tout cas des mots qu'on emploie à l'époque. On parle de vicieuse, par exemple. Comme on l'a fait pour Pauline de Buisson, la garce, la tueuse et la vicieuse. Hein, c'est la même époque. Qu'est-ce que c'est que ce terme de vicieuse qu'aujourd'hui on n'emploierait plus, qu'est-ce qu'il dit, ce qu'il ne veut pas dire simplement que ce sont des femmes libres. Oui, alors la similitude avec Pauline Dubuisson est très importante, et le livre de Jeanne Ada, La petite femelle, fait un beau miroir, hein, avec l'histoire de Sylvie Paul. Oui, elles sont qualifiées, elles sont épinglées de vicieuses, et dans le terme vicieuse, il y a beaucoup de choses autour de connotations sexuelles, et c'est aussi ça qu'on reproche à ces filles, c'est leur liberté vis-à-vis des hommes, parfois vis-à-vis des femmes, hein, vous l'avez raconté dans l'histoire de Sylvie Paul, peut-être elle avait une aventure amoureuse avec la femme qu'elle a tuée, et tout ce qui est lié à la sexualité est très, très rapidement considéré comme déviant en ce qui concerne les femmes et les jeunes filles en particulier. Voilà. Et quand on parlait des hommes à cette époque-là, qui avaient les mêmes traits de caractère, on disait qu'ils étaient séducteurs. Voilà. C'est ça, des Don Juan. Bon, ça s'est amélioré quand même. On a eu raison de parler de Pauline de Buisson, parce que là, je reviens au procès de Sylvie Paul. Donc, elle est finalement, on peut penser que la justice a pris en compte son comportement pendant l'occupation. Elle s'est retrouvée en camp de concentration. Elle a tenu tête aux Allemands. Elle s'est montrée courageuse. Pauline de Buisson, elle a pris perpétuité. Elle était libérée au bout de 8 ans, mais elle a pris perpétuité pour un crime passionnel qui en vaut 8 ou 10, parce qu'elle a eu le malheur d'avoir une liaison avec un Allemand, un colonel de la Wehrmacht, médecin-chef de l'établissement de l'hôpital Rosendahl à Dunkerque. On voit qu'il y a une justice là qui n'est pas que la justice de l'état de droit, mais qui est une justice de l'histoire, quelque part. Oui, une justice de l'histoire, une justice du genre. On a beaucoup reproché à Pauline de Buisson d'être une jeune fille précoce, d'une jeune fille précoce en matière de sexualité, hein, je le redis, mais c'est vraiment extrêmement important. Et alors, en plus, elle a, excusez-moi pour les termes, couché avec l'ennemi. Donc, ça faisait des circonstances terriblement aggravantes au moment de son jugement. En plus, c'était une jeune femme, mais aussi, comme Sylvie Paul, hein, extrêmement intelligente. Et cette intelligence féminine permettait aux accusés d'expliquer qu'elles étaient perverses. Donc, en plus du mot vicieuse, on pourrait rajouter aussi le mot perverse, qui sont souvent des qualificatifs qu'on met aux mauvaises filles, aux déviantes et aux délinquantes quand tout ça se passe au féminin. Sylvie Paul était victime de la violence de son beau-père, violence physique, violence sexuelle, violence psychologique forcément. Les mauvaises filles, celles qui fuguent, qui volent, qui se prostituent parfois, est-ce que ce sont souvent des jeunes filles violentées, blessées dans leur enfance, un trait qu'on peut retrouver d'ailleurs aujourd'hui, hein. Oui, c'est une question importante, difficile. Est-ce que, parce qu'il ne faudrait pas résumer en disant que toutes les jeunes filles violentées deviennent des criminelles. Mais néanmoins, quand on travaille sur les parcours des jeunes filles qui passent dans les institutions de la justice, celles qui vont être désignées comme déviantes et délinquantes, on se rend compte qu'elles ont des parcours d'enfance, d'adolescence extrêmement chaotiques, parfois très violents. Elles sont victimes, oui. Et il n'y a pas des images noires ou blanches. Les jeunes femmes qui, à un moment ou un autre, peuvent devenir des délinquantes ou poser des actes criminels graves, peuvent aussi avoir été victimes de choses extrêmement graves comme le viol, l'inceste, et c'est très régulièrement qu'on retrouve ces éléments dans les parcours des jeunes filles. Et puis elles subissent aussi des violences institutionnelles, et c'est très marquant dans le portrait que vous avez fait de Sylvie Paul. Sylvie Paul, c'est aussi une victime des institutions judiciaires du côté du féminin. Et de l'école de préservation correctionnelle. Par exemple, on va écouter une archive à ce propos. On sait que les jeunes filles étaient parfois très maltraitées dans ces établissements. On va écouter la chercheuse Béatrice Coppel parler de l'école de préservation correctionnelle de Clermont-de-l'Oise, là où Sylvie Paul a séjourné. Si bien elle pouvait entrer pour rien du tout, mais rien du tout, une fugue, n'importe quoi, un petit vol alimentaire, des drames familiaux, une mère légère, comme on disait, un père alcoolique, la mineure n'est pas bien, donc pour qu'elle soit mieux, pour qu'elle soit à l'écart et à l'abri des tentations extérieures, et notamment de tout ce qui est la perversion, la prostitution, eh bien on la met là. Et c'est-à-dire que les conditions sont pires que chez elle, et on la met là pour les rendre peut-être meilleures, ce qui est un système absurde et cruel. Et donc, dans ce système, la plupart des filles vont nourrir une révolte terrible et une violence extraordinaire. Je sais pas si ça va jusqu'à la camisole de force, mais enfin, on voit que ce choix institutionnel est contre-productif. Oui, alors il faut développer ce que dit Béatrice Coppel. Elle avait totalement raison. Elle est une des premières à avoir travaillé sur ces institutions. Et Cadillac, Clermont, les deux endroits où est passée Sylvie Paul, Doullens, qui est aussi une école de préservation. Alors, c'est un beau terme, préservation. On va les préserver, ces jeunes filles, mais on va les préserver en leur faisant subir des violences extrêmement importantes au quotidien. Ça, c'est les institutions publiques. Et puis il y a aussi les institutions privées qui sont encore plus nombreuses et qui s'appellent des bons pasteurs, dans lesquels les jeunes filles vont connaître des conditions d'enfermement très rudes. Et la camisole de force, vous avez dit le mot, la camisole de force sera utilisée sur la mineure qui est Sylvie Paul. Elle va être prise plusieurs jours, comme beaucoup de ses compagnes, dans cette camisole de force. Bien, Véronique Blanchard, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer de parler de Sylvie Paul après avoir écouté Arlo Parks, Dream Eyes. Véronique Blanchard, nous parlons donc de Sylvie Paul. Alors c'est un fait divers, d'un point de vue de l'histoire, il est intéressant sans être complètement passionnant. Mais là où il est passionnant, c'est qu'il nous dit beaucoup de choses des années 50 et de leur code et de dans quelle société vivaient nos grands-parents, hein, ou nos parents, dans les années 50. Alors, ça ressort beaucoup dans votre livre, Véronique Blanchard, le désir d'indépendance de ces jeunes filles, un désir de liberté, une révolte, une rébellion chevillée au corps, qui rappelle, je trouve, deux ou trois décennies plus tard, les années 70. Est-ce que ces mauvaises filles, entre guillemets, Sylvie Paul en tête, ce sont aussi des précurseurs, EURES, hein, des libres penseuses? Est-ce que vous le voyez comme ça? Oui, oui, on a beaucoup travaillé dans ce sens avec David Niger pour Mauvaise Fille et puis dans mon livre que vous avez cité. L'idée, c'est de pas seulement, bien sûr, il faut considérer comme ces jeunes filles comme des victimes. Elles ont été victimes à la fois, je l'ai dit et je le répète, de l'institution, de leur enfance, de certaines conditions de vie qu'elles avaient, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Mais elles sont aussi, et vous avez tout à fait raison, des résistantes. Elles sont aussi des femmes fortes, elles sont aussi des femmes rebelles au sens positif du terme, et elles incarnent une certaine modernité dans ces années 50 et 60. Elles sont très libres, elles souhaitent en tout cas avoir une forme de liberté, et elles vont se battre pour cette liberté, et je pense que du coup elles sont effectivement des figures d'émancipation qui vont beaucoup aider ensuite leurs filles, les filles de ces femmes, leurs filles et leurs petites filles à aller au combat vers une forme d'égalité entre les hommes et les femmes, hein, les combats pour la liberté et l'émancipation des femmes. Donc oui, ce sont à la fois des victimes, parce que la vie, c'est pas toujours simple, donc à la fois des victimes et des femmes très fortes qui ont su défendre, dans des conditions parfois difficiles, leur liberté et leur indépendance. Et l'institution judiciaire, composée en majorité d'hommes à cette époque, est forcément en décalage, d'où parfois une vraie sévérité. On disait que l'avocate de Sylvie Paul était une avocate donc c'était relativement rare, qu'elle était jeune. D'après ce que je vois, elle était formidable. Oui, oui, oui, bien sûr. Elle était très proche de Sylvie Paul et elle a su trouver les mots. Elle a su aussi trouver le point pour l'opinion publique, en tout cas positif dans l'histoire de Sylvie Paul, hein, qui était ce moment terrible de l'enfermement dans les camps. Donc, elle a su tirer du positif malgré le profil très sombre de Sylvie Paul. Ce qui est important aussi, vous avez totalement raison, on est en matière de justice dans un monde très masculin. Et c'est très impressionnant aussi quand on travaille sur la justice des enfants, de voir à quel point tous les acteurs de la justice qui vont dans une volonté d'éducation au moment des années 50 accompagner les jeunes filles sont essentiellement des hommes. Il y a très peu de femmes et ils ont un regard très genré sur la prise en charge des enfants et des adolescents. Et un des grands juges des enfants de l'époque, qui est un modèle, qui s'appelle Jean Chazal, écrira dans les années 70 qu'il pense qu'on ne peut pas être une juge des enfants. C'est-à-dire qu'il n'est impossible d'être un bon juge, surtout un magistrat de la jeunesse, si on est une femme, dit Jean Chazal dans les années 50. Je pense qu'aujourd'hui, il se retournerait dans sa tombe, puisque 80 à 85% des magistrats de la jeunesse sont aujourd'hui des femmes. Alors ces mauvaises filles, vous avez raison de parler du débat genré, j'allais venir. Les mauvaises filles dont vous parlez par leur comportement trouble l'image qu'on a à l'époque, dans les années 30, 40, 50, et après d'ailleurs, du genre féminin, de ce qu'est une fille, ce que doit être, pardon, une jeune fille, une jeune femme. Donc est-ce que être une mauvaise fille, entre guillemets toujours, c'est refuser d'être assignée à son genre, justement? Oui, alors je pense que c'est extrêmement inconscient de la part de ces jeunes filles. Mais oui, elles ont, parce que justement elles sont dans une forme de volonté d'indépendance et de liberté, elles contreviennent aux normes de genre qu'on souhaite leur imposer. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas être des petites filles sages qui restent à l'intérieur de la maison, qui s'occupent de leur époux ou de leur futur époux, parce qu'on parle de jeunes filles, de leur futur enfant. C'est-à-dire qu'elles se sentent pouvoir avoir une autre place dans la société, une place plus équivalente à celle de leur comparse masculin. Et donc, de ce fait, oui, il y a trouble dans le genre et oui, elles viennent bouger les lignes en disant « moi, je voudrais être un peu comme un garçon ». Et certaines gamines, dans les archives, le disent. « Mon rêve, finalement, c'est Alors, c'est pas d'être un garçon, c'est d'avoir la vie des garçons. C'est-à-dire la liberté de venir, d'aller au cinéma, d'aller au bal, sans être considéré comme une perverse, une vicieuse ou une mauvaise fille. À l'époque de Sylvie Paul, la mauvaise fille donc, et fugueuse, vagabonde, voleuse, fille mère, parfois prostituée, vicieuse, donc libre. Aujourd'hui, quelle serait la figure de la mauvaise fille en 2020? Pas un nom, là, mais un profil. Oui, vous posez cette question à une historienne. Oui, c'est vrai. Qui n'est pas sociologue, mais qui lit les sociologues. Et qui peut avoir un avis personnel aussi. Hein? Oui, bien sûr. Une sociologue qui s'appelle Stéphanie Ruby a parlé de crapuleuse. Peut-être qu'il y a aussi, comme ça, des figures de la dangerosité féminine aujourd'hui. Ça situe peut-être nettement moins autour de la sexualité, mais plus autour de comportements qui parfois sont désignés comme des comportements typiquement virils et qui donc dérangent la société quand ils sont liés à du féminin. Donc on a des choses qui sont plus dans la délinquance, la petite délinquance, mais qui perturbent toujours l'ordre du genre. Et c'est ce type-là de profil qu'on voit apparaître aujourd'hui et qui parfois effraie l'opinion publique et les médias. Et on parle de nouvelles paniques morales. Moi, je suis pas si sûre que ce soit des nouvelles figures, mais en tout cas, c'est celle-là qui dérange plus que la figure de la jeune fille libre et indépendante. Bah oui, vous avez une réponse. Merci. Merci. Merci infiniment, Véronique Blanchard, pour vos éclairages. Je vous en prie, Fabrice Drouel. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Sylvie Paul, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Et tous les soirs, je vous le rappelle, tous les soirs de la semaine, nous sommes rediffusés à 23h. Merci à Anne Lorcochet qui était à la technique aujourd'hui.